Et à 8h57, François Morel, c'est à vous. Brassens était peu porté sur les choses matérielles. Il était du genre désintéressé. La générosité, hélas, n'est pas une maladie contagieuse. Une vente aux enchères était prévue demain chez Drouot. Elle a été suspendue. C'est une bonne nouvelle. Le feuilletage du catalogue apprend plein de choses, notamment qu'au 165 rue de Rennes, à Paris, là où existe aujourd'hui un magasin Morgane, magasin où Nicolas Demorand aime se rendre pour se fournir en lingerie ayant un goût prononcé pour la dentelle rouge, au 165 rue de Rennes à Paris, disais-je, se trouvait un chapelier du nom de Léniac. C'était, nous dit-on, le fournisseur habituel de Brassens. On imagine que le fournisseur ne devait pas être si habituel que ça, étant donné qu'on a rarement vu de photos de Brassens sous ce chapeau de feutre noir avec ruban gros grain et nœud chapelier de la marque Maussan, plus rarement en tout cas que Nicolas en dentelle rouge. François Mitterrand, qui était plus dégarni sur le dessus, était lui un homme à chapeau. Un chapeau de Mitterrand fut vendu au prix de 7 800 € lors d'une vente également chez Drouot qui eut lieu en 2008. Le montant de la vente fut entièrement reversé à l'association France Liberté présidée par Daniel Mitterrand. À combien serait parti le chapeau lot 301 que Brassens avait dû oublier quelque part, impasse Florimont? On n'en a pas la moindre idée. L'estimation était de 300-400 €. À combien partiront les dentelles de Nicolas dans 50 ans? On l'ignore encore plus. Autre point commun avec Nicolas Demorand, Brassens appréciait les pipes. Un ensemble de 7 pipes, lot 307, était mis à prix entre 200 et 300 €. 6 pipes, lot 306, entre 150 et 200 €. 14 fourneaux de pipes, lot 304, 300-400 €. Combien sont-ils les fétichistes assez pervers pour vouloir s'enfourner le broussin du rhizome mastiqué par le poète sétois? Plusieurs peintures représentant le maître étaient également en vente, lot 336, 341, 345. On ne peut pas s'empêcher de penser à Stance, à un cambrioleur. Tu ne m'as dérobé que le strict nécessaire, délaissant dédaigneux l'exécrable portrait que l'on m'avait offert pour mon anniversaire. Quel bon critique d'art, mon salaud, tu ferais. Le lot 280 était une correspondance, celle adressée par Marcel Amont à Georges Brassens. Dans une lettre d'avril 1965, Marcel envoie ses condoléances à Georges qui vient de perdre son père, le vieil ours. Quelqu'un s'est-il aperçu de la vulgarité absolue qui consiste à vendre un courrier aussi personnel? Quelqu'un a-t-il pensé à appeler Marcel, toujours bien vivant, pour lui remettre ses courriers intimes qui aujourd'hui ne regardent guère que lui? On estimait le lot entre 300 et 500 €. Moi, il me semble qu'il n'a pas de prix. Il y avait également beaucoup de documents émouvants, rares, passionnant, des photos, des manuscrits qui, heureusement, demain, ne seront pas disséminés, éparpillés, perdus. On voudrait que tout cela puisse être visible, consultable pour les amoureux de Brassens et ceux qu'ils deviendront. L'espace Georges Brassens de 7 me semble idéal pour recevoir ce patrimoine. Brassens, demain, aura 101 ans. La meilleure façon de lui rendre hommage, bien sûr, de l'aimer, ce n'était sûrement pas de brader ses souvenirs. Aujourd'hui, comme hier, c'est encore de l'écouter. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Ma dentelle et moi vous remercions, François. On vous retrouve par ailleurs pour la lecture du dictionnaire amoureux de l'inutile sur la scène de la mannequine à Pont-Sainte-Maxence ce soir et demain à Alençon. France Inter.